Moi, je voudrais quelque chose, ça. Ta question. Est-ce que c'est une façon de parler ou bien ça peut être dit autrement? Tout est une façon de parler. Parce que si on sortait de la façon de parler, on rentrerait dans une autre dimension du réel. Puis on n'est pas capable parce qu'on a des cerveaux. Je vais t'expliquer une partie du frère. Un aspect du frère. C'est vaste, ça. Fait que je vais prendre une section. Quand je dis que le frère, quand il a atteint un certain niveau de perfection, il doit être réparé. Je dis que le frère, ils ne veulent pas en parler de ça, frère. Ouais. Peut-être tout à l'heure, ils vont parler. OK, il n'y a qu'une condition qu'ils vont en parler, c'est si tu me demandes une question précise. Ben, t'as expliqué l'autre fois, là, si j'ai bien compris, qu'il y en avait sept et que l'âme était le point de jonction des sept frères. Là, tu parles de l'âme et tu dis qu'à un moment donné, l'âme est détruite. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les sept frères? Ils perdent leur lien avec l'âme.